Vendredi 6 décembre 2013, vous écoutez La vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 et comme d'habitude, ben toujours un plaisir de vous retrouver pour parler du 9e art, surtout avec une pause de quelques semaines, ma foi. Émission d'il y a deux semaines qui s'est retrouvée évidemment en podcast, vous l'avez vu, j'imagine, sur lavieenbd.wordpress.com. La semaine dernière, ben, j'étais du côté des rendez-vous de la BD de Gatineau. Alors pour moi, c'est vraiment un double plaisir de vous retrouver ce vendredi, et avec d'ailleurs une belle émission, bien remplie, bien chargée. Eh bien, comme à l'habitude, Michel Giguère est de passage pour mettre un peu la table sur le prochain rendez-vous qui sera tout en blancheur, incidemment, puisqu'on va parler de l'hiver. Donc, l'hiver en BD, comment est-il représenté? Les défis qui sont associés à représenter la neige, notamment, puisque c'est blanc. Hein? Évidemment, c'est du vide, mais comment on le remplit? Sinon, en première partie d'émission, il y aura Stéphane Gravel qui sera de passage pour nous partager ses commentaires BD. Et également, on aura le plaisir de jaser avec Julien Paré-Sorel, parler de son dernier né, Léthéonie, qui a été publié du côté de Frontfroid. Alors, ça, c'est le menu pour l'émission d'aujourd'hui. Et sinon, dans l'actualité, vous avez peut-être vu ça passer. Donc, la sélection officielle d'Angoulême 2014... avec une belle présence d'éditeurs et d'auteurs québécois. Je dis éditeurs et auteurs parce que, ben, d'un côté, donc, évidemment, des auteurs, mais de l'autre côté, La Pastèque, qui se retrouve avec 3 titres sur la ligne de départ. Donc, un titre écrit par des gens d'ici, d'autres qui sont des éditions d'ici de titres étrangers. Alors, une très, très belle performance pour la maison d'édition qui fête cette année son 15e anniversaire. Donc, on parle, donc, de Jane Le Renard et moi, d'Isabelle Arsenault et Fanny Britt qui se retrouvent en sélection jeunesse. Il y a également Benjamin Adam qui, lui, se place dans la sélection Polar avec L'Artigue et Prévert. Et également, il y a le numéro 4 de Macanudo, de l'Argentin et Ligné, qui, lui, compétitionne pour le Fauve d'or, donc en compétition, si on peut dire, donc pas dans une des catégories adjointes. Et également, l'autre album québécois qu'on retrouve, eh ben, c'est celui de Sylvie Rancourt, le Mélodie, donc qui est édité par Ego Comics, fait une réédition, puisque c'est dans la catégorie patrimoine que l'album se retrouve en lice. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de Madame Rancourt. C'est une auteure qui figure parmi les pionnières de la BD autobiographique au Québec. Mélodie en fait une série qui a été auto-éditée dans les années 80-90 et on déborde aussi vers les années 2000, dans laquelle elle raconte sa vie de danseuse nue à travers son avatar dessiné Mélodie. Donc, dernier titre qui est apparu en 2001. On peut la mettre peut-être aux côtés de figures comme Julie Doucet, notamment, là, dans un contexte un peu autobiographique, style graphique qui a plu notamment du côté américain. Donc, dernier titre en 2001. Ensuite, bon, elle a mis de côté la BD. Je crois qu'elle est du côté de l'Abitibi désormais, en campagne, à la ferme. Et on en a peu entendu parler au fil, donc, des 12 dernières années, jusqu'à, justement, là, cette réédition par Ego Comics des différents titres qui sont associés à la série Mélodie. Alors ben voilà, donc 4 titres liés au Québec qui se retrouvent en nomination pour les prix à Angoulême 2013. Ça valait la peine d'être signalé, évidemment. Alors là-dessus, on s'en va en musique. Donc, ce qui nous accompagnera au fil de l'émission, c'est différents extraits de l'album Punk Goes 8-Bit volume 3. On en écoute un premier. Et vous aurez reconnu le succès Ballion de Mylène Carlin, mais cette fois-ci en version 8-bits. Et maintenant, on a le plaisir d'avoir parmi nous l'auteur de L'Étéonie, qui a été publié donc dans la collection Anticyclone chez Franfroid, Julien Paré-Sorel. Bonjour. Salut Raymond. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien également. Et Julien a fait un nouvel album qui arrive, un album... comment le présenterait, un album autour de l'oubli, autour du mystère? Autour... Mais c'est un conte fantastique pour adultes. Et le thème principal, c'est l'amnésie, donc le manque de mémoire, l'oubli. Et le titre donne déjà un peu les cartes, en fait, on parle d'ailleurs aussi en quatrième de couverture, donc le Léthé, qui est un fleuve dans la mythologie. C'est avant tout une déesse de la mythologie grecque, Léthé, qui est la déesse de l'oubli, voilà. Donc d'où le titre. Et c'est qu'est-ce qui t'a amené, pourquoi choisir justement ce thème-là ou cette amorce-là à ton récit? Ben, je trouvais ça intéressant pour deux raisons. Premièrement, le personnage, au début du récit, a perdu la mémoire, et le lecteur, en même temps que lui, va découvrir le lieu, l'univers dans lequel le personnage évolue. Donc, il y a une forme d'interactivité comme ça. Le lecteur et le personnage principal ne font qu'un et découvrent le monde, donc l'île de l'Étéonie, en même temps. Mm-hmm. Donc, il y avait cette cohésion-là. Et aussi, je trouve que le thème de la mémoire, ça me touchait particulièrement parce que je trouve qu'en termes de valeur, c'est quelque chose qu'on ne met pas assez de l'avant en société. Tant au niveau historique, en termes de juste mémoire collective ou individuelle. Donc, j'avais envie d'explorer ce thème-là. Et effectivement, en fait, le mécanisme, l'idée de mettre le personnage principal dans les mêmes pieds que le lecteur, au bout du compte, j'ai l'impression que ça force un peu une lecture active parce que on essaie justement de tisser, de comprendre, de saisir, d'analyser au même titre que le personnage doit le faire de son côté pour faire sens, entre guillemets, de tout ce qui se passe là. Oui, exactement. Je voulais vraiment créer une lecture active. Je crée une interaction entre le lecteur et l'univers, que ce soit pas tout simplement contemplatif ou passif, que je voulais vraiment intégrer le lecteur dans l'aventure, dans le récit. Et d'ailleurs, on pousse même à la limite un peu plus loin dans la mesure où l'Étéonie fait un peu figure aussi pour le lecteur comme pour le personnage de Castel. Donc la compréhension n'est pas déterminée, n'est pas définie dans le livre, du moins en texte, en clair. On n'a pas une réponse à la fin en disant voici ceci, ceci, ceci, c'est la solution. Faut la construire à partir des éléments, à partir des indices que t'amènes, que tu proposes à l'intérieur de l'album. Ouais, mais c'est un peu, c'est comme je disais, c'est interactif, c'est un peu un puzzle. J'ai joué beaucoup avec la temporalité, donc prolepse, analepse, flashback, tout ça. Puis je joue beaucoup avec les symboles. Donc tous les indices sont là pour la compréhension du récit, autant dans les décors, les personnages, les traces sur des personnages que des objets. C'est assez libre l'interprétation. Quoique, si on s'attarde aux détails, on peut vraiment faire du sens avec tous les éléments. Oui, puis en fait, j'imagine c'est assez libre d'interprétation, mais toi, t'as un récit de départ qui est le tien pour que ça fasse sens, et après ça, j'imagine qu'il y a des récits alternatifs qui peuvent émerger au fil des interprétations, des analyses. Hein. Exactement. Il y en a qui sont calculés. Moi, je dirais que j'ai comme ma version de l'histoire, mettons, la version A, entre guillemets, et j'ai la version B, C, D, mettons, que j'ai prévu, que je sais qui fonctionne aussi, qui est complémentaire à la version A. Et là, de ces temps-ci, je reçois des commentaires de lecteurs qui développent des versions E, F, G. Et là, ça, c'est super enrichissant aussi. C'est assez intéressant de voir ce que le lecteur apporte avec lui dans l'univers et ce qu'il rapporte avec lui. Oui, parce que nécessairement, en fait, un peu comme dans n'importe quoi, on part toujours de nous-mêmes pour comprendre, pour analyser. Donc, tout dépendant de notre bagage, nos expériences, nos connaissances, on va recevoir ce qui est proposé, les symboles qui sont amenés, le visuel qui est proposé, donc de manière différente. Oui, exactement. Ça joue un peu comme un miroir de l'âme, si je peux dire, cette bande dessinée-là, pour certains lecteurs. Et de ce que je comprends, Julien Paré-Sorel, tu te laisses un peu surprendre, dans le fond, au fil des propositions comme ça qui t'arrivent, au fil des gens qui te rencontrent, qui disent, ben, OK, j'en ai reçu ça. Est-ce que même des fois, justement, on est allé chercher dans les EFG des trucs auxquels t'aurais pas pensé, mais qui fonctionnent finalement tout aussi bien que le ABC que t'avais prévu? Ouais, mais justement, je pense que l'interprétation du lecteur a autant de valeur que la mienne. C'est pas parce que, moi, j'ai voulu dire ça que c'est plus intéressant ou c'est mieux que ce que l'interprétation du lecteur. J'avais fait l'expérience il y a 4 ans avec une bande dessinée que j'avais auto-publiée, Quadricrevie, puis j'avais trouvé ça tellement enrichissant, tellement amusant, tellement trippant, justement, l'interaction avec le lecteur, lorsqu'il me donnait ses commentaires de lecture, que je voulais répéter cette expérience-là. Et dans un cadre ici, bon, un gros album quand même, une centaine de pages. Je pense une somme, si je me trompe pas, à peu près 8 mois de travail pour en arriver à ce résultante-là. Exactement. De l'acceptation du projet jusqu'à la phase finale. Ouais, les 3 premiers mois, scénarisation, design des personnages, l'environnement, le découpage graphique. Ensuite, les 5 derniers mois, ça a été toute la réalisation des planches de manière assez intensive, donc crayonné d'un seul coup, l'ancrage, puis les 2 gris à l'ordinateur. Et je pense, en fait, le côté design, de ce que j'en perçois et de ce que tu m'en dis, ça peut pas être laissé au hasard. En fait, le design des personnages, des lieux, etc., faut, si on est dans le symbolisme, il faut que ça représente quelque chose, il faut qu'il y ait une grosse cohérence. Donc, ça doit être quand même un bon défi, justement, de peupler, de composer, de créer quelque chose qui se tienne, qui tienne à l'analyse aussi qu'on peut en faire. Ouais, ben comme tu dis, il y a pas vraiment grand-chose qui est laissé au hasard. Tout est calculé, tout est détaillé, comme je disais, autant au niveau des signes, des symboles qui peuvent se retrouver dans le décor, les accessoires ou les marques, les signes sur les personnages. Il a fallu que je fasse beaucoup de lignes du temps, beaucoup de systèmes, de graphiques, parce qu'il y a beaucoup de peuplades, il y a beaucoup de tribus, il y a beaucoup de personnages, c'est assez varié. Donc il a vraiment fallu que je me fasse différents systèmes pour m'assurer que tous les personnages fonctionnait et qu'il y avait vraiment une réelle société qui vivait dans cet univers-là, que tous les personnages sont interreliés, il y en a qui s'aident, il y en a qui vont se nuire. C'est dynamique, c'est tangible. Et si on pousse un peu l'analyse ou on s'amuse un peu, exemple, pour donner une idée, j'imagine, de parcours qu'on peut aussi en tirer, bon, au niveau des personnages, chacun des caractères de ces personnages-là sont différents, sont distincts. On peut s'imaginer, par exemple, qu'ils peuvent être associés à certaines émotions. Oui. Et donc, le design émotif a amené ensuite leur apparence, que exactement. C'est pour avoir un pont entre les deux. Exactement. C'est le concept de l'anthropomorphisme, donc de vraiment prendre une personnalité, un état d'âme ou une caractéristique psychologique, émotionnelle, comme tu dis, puis de le transformer en visuel, donc graphiquement. Et là, j'utilisais mi-animaux, mi-humains, mi-insectes, mi-humains. Pour transmettre cette émotion-là. Oui, puis jouer avec la surprise un peu, parce que en même temps, ça permet de créer des punches, de créer des renversements. On arrive avec une personne qu'on a l'impression qu'elle est humaine, finalement, on s'en va ailleurs, on change de registre émotif dans un cadre, finalement. Ouais, ou c'est ce que j'ai tenté de faire avec chacun des chapitres, de vraiment rentrer dans un petit univers à l'intérieur de ce grand univers-là, puis que chaque chapitre, ça soit une émotion ou un drame en soi. Et justement, ça devient un peu, parce que ça me faisait penser aussi en termes de structure au road movie, parce qu'on va justement de lieu en lieu, on s'attardera pas longuement dans chaque endroit, et en même temps, ça m'apparaissait au niveau narratif, pour toi peut-être, en fait tu me confirmeras ou t'infirmeras, mais un double défi dans mesure où faut avoir ces épisodes, des épisodes qui sont forts, qui sont parlants pour la structure de l'ensemble du récit, mais en même temps, on se donne pas beaucoup de temps non plus, de planches et d'espace pour créer l'ambiance, créer la nature de ce petit univers à l'intérieur du plus grand univers. Là. C'est vrai que le rythme est assez rapide. Il y a 8 chapitres, ça se lit relativement vite, dépendamment de la vitesse du lecteur à regarder les images, tout ça. Il y a des points d'ancrage de certains personnages. Évidemment, le personnage principal, le fou, l'homme qui a perdu la mémoire, lui, on le suit tout le long du récit. Mais il y a quand même 2 à 3 personnages qui vont revenir d'un chapitre à l'autre pour faire le lien avec tout ça. Et aussi, c'est pas seulement dans les présences de personnages, mais aussi avec des rappels d'objets. Puis c'est ça, étant donné que je joue beaucoup avec le temps, le lecteur doit reconstruire un peu la ligne temporelle du récit. Donc, on revient un peu à la notion de narration active et en même temps de comprendre justement un personnage principal qui part blanc, mais qui se définit finalement aussi en fonction justement des interactions des épisodes. Et c'est que là, tranquillement, au fil des réactions, qu'on va peut-être arriver à le comprendre un peu plus. Ouais. Donc, c'est important pour ça, j'imagine, de bien typer justement chacun des épisodes. Oui, puis le personnage justement évolue psychologiquement à travers toutes ces épreuves-là, entre guillemets, chacun des chapitres. Puis, il faut dire que c'est un peu une odyssée parce que, bon, c'est justement mes personnages anthropomorphiques, le but c'était de faire un conte mythologique, donc avec beaucoup tout le fantastique que ça requiert. Oui, puis en fait, on parle de personnages, les lieux qui peuplent aussi, mais il faut qu'ils soient en accord avec l'écosystème, si on peut dire, qu'on leur crée. Donc, il y a des éléments, j'imagine, qu'on découvre pas d'emblée, du moins, dans la planche, mais qui ont été pensés au préalable pour créer un environnement qui est cohérent, dans le fond, avec la nature des créatures qui l'habitent. Ben, l'idée, c'était que c'est une île extrêmement exotique, donc je voulais garder tout ce côté organique, tant au niveau de l'environnement que les personnages. Et donc, avec une carte aussi, des éléments comme ça. Donc, il y a quand même des bons accompagnements pour le lecteur, si on peut dire, des bons éléments pour bien suivre. Mais la carte, il y a juste toi qui l'as vue. Oui, c'est vrai. Mais on risque de la mettre, d'ailleurs, justement, je parlais de ça hier avec un collègue, sur le site web de Front Froid pour les gens qui ont lu l'album, s'ils veulent voir la carte de l'île qui donne quand même certains repères pour la compréhension du récit encore à un autre niveau. Là. Exactement. C'est toujours intéressant, en fait, de voir un peu de... En fait, ça vient enrichir l'univers, d'une certaine façon, qui est déjà quand même assez riche aussi, on s'entend. Le but, c'est que tout fonctionne. Et donc, côté rythmique aussi, disons, on passe de séquences très lentes. En fait, j'ai l'impression que tu t'es permis autant de faire des deux pleines pages, autant des séquences très, très courtes avec beaucoup de cases à l'intérieur d'une planche. Donc, on joue aussi beaucoup avec ce rythme-là, avec la mise en scène des planches. Ouais, mais pour moi, le découpage graphique, c'est vraiment l'étape la plus importante de la création de la bande dessinée. C'est l'essence même, c'est la colonne vertébrale de l'histoire. Donc, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à développer le rythme comme ça, et évoquer des surprises, du moins tenter de faire des suspenses. Tu tournes la page, hop, il y a une image qui te surprend, tout ça. J'avais pas de limite de page. Donc, j'ai vraiment pu, contrairement à la majorité des autres BD que j'ai fait, donc là, je pouvais vraiment imposer un rythme plus lent, plus rapide, me permettre de faire justement des doubles pages, une seule image en deux pages. Je me suis pas mal amusé avec ça. La grandeur des images, le rythme, la longueur des scènes, donc... Ça, c'était un beau trip pour moi. Oui, parce qu'on disait, en fait, c'est un livre qui se lit rapidement, mais en même temps, on change. Il y a des séquences qui se lisent quand même très lentement, qu'on peut passer beaucoup de temps sur les images générales. On arrive dans le lieu et là, subitement, l'action commence. Oups, on est emporté. On passe rapidement d'une case à l'autre. Après ça, oups, on retombe. Donc, c'est vraiment en aller et en retenue un peu tout ça. Ben, c'est ce qui est une des beautés de la bande dessinée, c'est que c'est le lecteur qui va imposer son rythme de lecture. Il y en a qui me disaient que les doubles pages d'images de tempête en plein océan, ils l'ont regardé longtemps parce qu'il y a tellement de détails qu'ils s'amusaient à regarder chacune des vagues pour le plaisir de la lecture. Oui, puis en fait, pour profiter aussi du niveau de détail que tu proposes, du niveau de recherche que tu as fait pour en arriver là, parce que je veux dire, visuellement, Léo Tony, c'est réussi, je veux dire, c'est beau, là, c'est... Ben, merci. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Et à l'intérieur de ça, Julien, donc, on parlait du sens, évidemment, aussi, donc on passe d'un élément à l'autre, et j'ai l'impression, c'est un livre actif qu'on peut pas se permettre de lire juste une fois. Non plus. Ben le potentiel de relecture, c'est voulu. J'ai vraiment essayé de garder beaucoup de punch vers les derniers chapitres pour que le lecteur ait vraiment envie de revisiter cet univers-là, de revivre le voyage, ayant connaissance de ces derniers éléments narratifs-là vers la fin du récit. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont rendus à leur 3e-4e lecture, puis à chaque fois, ils découvrent des nouveaux détails. Je trouve qu'on vit à une époque que... On a désappris à lire les images. Tandis que ça a été notre première lecture humaine, les images. Et après, bon, ça c'est devenu de plus en plus abstrait vers les mots. Donc, on lit très bien les mots. Et là, au Québec, c'est encore drôle. Mais les images, on a tendance, je trouve, à les lire trop vite. Mm-hmm. Même le concept de lecture d'une image, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui n'existe pas. On voit une image, mais on ne peut pas la lire. Tandis que c'est une image vaut 1000 mots, on le dit... Ça peut être extrêmement riche au niveau des détails, au niveau du sens qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une image. Oui, puis même, en fait, je veux dire, si on y va dans l'absolu, si on se décide, oh, on va juste lire le texte, ben, reste que Léo Tony aussi, c'est un album qui est, je dirais pas entièrement silencieux, mais qui est quand même assez silencieux. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de compréhension qui vont passer justement par les images. Ouais, ben c'est ça, la bande dessinée que j'avais fait il y a 4 ans, c'était entièrement muet. Là, j'avais vraiment envie de me frapper à la narration, de faire vivre des dialogues à mes personnages, des monologues intérieurs, tout ça. Donc, oui, il y a du texte, c'est pas des pavés de texte, mais oui, il y a du texte, mais comme je dis, l'image parle beaucoup, puis c'est je voulais laisser cette place-là. C'est ça, autant au niveau narratif qu'au niveau symbolique. D'une certaine façon, enfin, il y a toutes ces dimensions-là. Puis j'aime bien l'idée, justement, de dire, ben, OK, vous êtes peut-être frustré à première lecture, un peu comme par réflexe, on dit, ben, OK, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse claire, mais finalement, on retourne un peu à l'album, on le relit, et là, tranquillement, justement, c'est au fil d'une lecture peut-être plus tranquille, plus analytique, où on va développer un peu notre compréhension du récit. Mais je vais t'avouer que t'es le seul qui me dit qu'il a pas trouvé réponse à ces questions. Ben, Non, j'ai relu, j'en ai trouvé depuis. Non, je te taquine. mais ce qui est intéressant, c'est justement, c'est en fait, j'ai l'impression qu'on peut, dès la fin de la première lecture, faut rapidement retomber, retourner un peu en arrière. C'est ça force justement d'emblée, en fait, je pense qu'on fait pas le choix de la relire une deuxième fois, on la relit une deuxième fois, point. Ben tant mieux, puis voilà. L'idée aussi, c'était de lancer plusieurs questions à travers cette histoire-là. Je voulais poser au lecteur la question jusqu'où on est prêt à aller pour connaître la vérité, mm-hmm. donc comme le personnage principal dans sa quête identitaire. Je voulais aussi poser la question jusqu'où on est prêt à aller pour l'être aimé, parce qu'il y a tout cet aspect romantique là qui dans la dynamique du récit aussi. Alors, on découvre cet album, donc L'Étéonie, qui est donc disponible chez Front Froid, collection Anticyclone, distribué un peu partout. Et si on veut mettre la main dessus et de pouvoir profiter de dialogues, d'échanges en ta compagnie, je signale également que tu es ce soir à 19h, donc au bar La Corrigan pour le lancement à Québec, donc exact. De L'Étéonie, 19h jusqu'à ce que mort s'en suive. jusqu'à ce que Dodo voilà. s'en suive. Avec des nouveaux crayons. Oui, voilà. Je me suis équipé. Donc, vous êtes les bienvenus à 19h à la Corrigan. Ça va me faire plaisir de vous faire une belle dédicace. Ah ben, Julien Paré-Sorel, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Si tu permets, j'ai un petit commentaire. L'équipe des Noirs en impro BD, on est prêt. Si jamais il y a une autre équipe qui veut se frotter à nous, on est prêt. Alors, le défi est lancé. Merci. Julien, à la prochaine. Salut. Alors, et nous, on repart en 8 bits, toujours à la vie en BD. Et je vous rappelle, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur la vie en BD, suivre un peu l'émission et également quelques nouvelles liées à l'univers de la bande dessinée, ben vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com, La Vie en BD. Et maintenant, on a le plaisir de rejoindre au bout du fil Stéphane Gravel. Bonjour. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, je me sens comme une chronique mobile. Oui, effectivement, parce que tu es en déplacement. Ah oui, si tu veux... C'est ça, Noël. Exactement. La frénésie. On achète peut-être quelques BD, qui sait. Et qui sait, peut-être le Spirou de Rob Velch chez Dupuis. Écoute, j'étais pas attiré du tout par ce Spirou-là au début, parce que je trouvais ça, ben, c'est vieillot, c'est du vieux Spirou, très vieux, là. Mais pour ceux qui s'intéressent à Spirou et ceux qui s'intéressent aux éditions Dupuis et à l'histoire de la bande dessinée, il y a plein de documentation, il y a plein d'histoires à travers cet album-là. On peut suivre l'évolution du dessin de Rodvel et du personnage de Spirou. Puis écoute, j'ai été charmé et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça dépasse là la BD. Ça devient une œuvre d'histoire qui est extrêmement intéressante. Puis là, on voit comment ça se passait, l'édition de la BD, la période de la Deuxième Guerre, comment avancer, ils étaient envahis par les petits comiques américains, par les Mickey Mouse, à fin de compte, et comment ils se sont libérés, entre guillemets, de ça, parce que on pouvait plus amener de BD américaine en Europe. Écoute, c'est extrêmement fascinant et c'est un beau, gros volume, là, puis écoute, je le garde, là, ça reste à travers mes Spirou, puis c'est une œuvre majeure. Je trouve que c'est un beau cadeau pour ceux qui aiment la BD franco-belge. Et Stéphane, si on avait à qualifier peut-être un peu justement qu'est-ce qui distingue le Spirou de Rob Vell des autres auteurs, des autres dessinateurs qui sont attaqués au personnage. Écoute, c'est un peu... Spirou, ce que j'ai découvert, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est un, c'est que Spirou est l'œuvre de des éditions Dupuis. C'est Monsieur Dupuis qui voulait ce personnage-là. Et il a été chercher un dessinateur, Rockwell, parce qu'il avait un dessin de presse qui était exceptionnel à l'époque. Le dessin a beaucoup évolué aussi depuis. Et il lui a demandé de créer le personnage de Spirou. Donc, c'est vraiment la naissance. Et ce que j'ai trouvé particulier, c'est que Rockwell n'est pas belge, mais il est français. Mm-hmm. Donc, déjà, Spirou naît d'un crayon français avant de revenir en Belgique avec Gigi et Franquin. Là. Mais c'est un personnage beaucoup plus farfelu, entre guillemets, et caricatural que le personnage ensuite de Franquin, qui prend beaucoup d'ampleur au niveau personnage. Là. Oui, puis qui est venu, en fait, j'ai l'impression, apporter peut-être l'identité ou la connaissance plus durable qu'on a de Spirou. En fait, quand on pense à Spirou, on pense au Spirou de Franquin d'abord et aux interprétations qui s'en sont inspirées, mais on oublie peut-être justement que lui-même est parti de l'interprétation que quelqu'un en avait amené pour créer la sienne, dans le fond. Non? C'est déjà... Franquin, c'est déjà la troisième main là sur Spirou. Ce qui se passe pas avec Tintin qui a toujours été entre guillemets otage de Hergé. Spirou est un personnage qui vit en soi et qui va évoluer par rapport à ses auteurs. Et je pense que c'est ça qui le rend si intéressant là. Alors ça, c'est le Spirou de Rockwell, donc l'origine du personnage. Stéphane, on a un petit 3 minutes peut-être, puisqu'en fait tu parles de déplacement, de Noël et le reste, mais j'ai envie qu'on parle de New York un peu. Il y a Cabou chez Les Arènes qui amène un traitement quand même assez visuel de la grosse pomme. Écoute, j'adore cet illustrateur-là. C'est pas une BD, c'est-à-dire que c'est pas une histoire qui va être racontée en suite consécutive d'images en bulle, mais ça reste une BD à quelque part parce que c'est les dessins de Cabu. Et il y a un regard poétique, critique, sensible et tellement intéressant sur la ville de New York. Cabu, c'est lui qu'on voit depuis des années là dans Charlie Hebdo. Il fait beaucoup de dessins pour Charlie Hebdo. Mm-hmm. C'est souvent lui d'ailleurs qui fait la une. C'est souvent lui qui est pris dans les controverses du journal. D'ailleurs, c'est lui qui avait fait la page couverture de Mahomet à l'époque qui avait été terrible. Là. Mais c'est quelqu'un qui, malgré que ça fait longtemps qu'il traîne dans le milieu de la bande dessinée, garde un regard qui est toujours un regard extrêmement jeune. Je pense que Cabu est vraiment un éternel adolescent et qui a une éternelle vision romantique et poétique des choses. Il idéalise les choses, puis il va les montrer du côté le plus sombre et le plus mine, mais sans faire mal à quelque mm-hmm. part, je trouve. Et comment ça s'exprime justement ce regard-là, cette éternelle adolescence-là sur le trait, sur l'aspect visuel qu'il propose donc dans New York? Quand on arrive, moi j'ai trouvé que c'était son album. J'aime beaucoup New York. C'est une ville que j'aime beaucoup. Et Cabu, par l'intermédiaire de caricatures avec un dessin qui est très léger, très noir et blanc, nous fait faire une visite à quelque part. C'est une visite guidée de la grosse pomme, mais une visite guidée par son regard d'Européen et son regard critique qu'il a, parce que c'est plus un journaliste qu'un auteur de BD, à fin de compte. Mm-hmm. Mais c'est aussi plus un auteur de BD qu'un journaliste aussi. Donc c'est tout ce regard-là qui réussit à rendre c'est un bon gros volume là. Vraiment chouette, puis vraiment beau. C'est le genre de livre qu'on peut laisser traîner à côté de son lit, puis regarder de temps en temps. Puis ça, moi, ça m'a fait rêver sur New York. J'ai trouvé que ce bonhomme-là aimait New York, puis ça paraît. Oui, puis surtout, en fait, quand on s'attaque comme ça à une ville qui est très très parlante, je pense, pour déjà un peu tout le monde, et si en plus, ben, on la connaît, on l'a visité, on l'a vu, ben ça permet de comparer peut-être un peu les regards, comparer un peu l'émotion qui est suscitée par certains lieux, certains endroits, certaines ambiances. Oui, puis par les personnages. Mm-hmm. Les personnages, il reste quand même très près de... des scènes de rue, entre guillemets. Il dessine beaucoup ce qu'il voit alentour de lui, puis c'est quelque chose de très touchant là. Alors voilà, ça c'est New York de Cabu, c'est chez Les Arènes. Et Stéphane, nous on se dit à très bientôt. Ben oui, on a bien d'autres hein? Oh oui, les piles ne descendent jamais rapidement. Parfait. Salut bien. Ok, au revoir, merci. Alors voilà, donc Stéphane Gravel et quelques commentaires BD. Vous écoutez toujours La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Alors nous, on repart en musique, toujours Punk Goes 8-Bit. Et toujours à La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez me suivre, j'ai un petit blog également sur lequel je partage impressions et regards sur l'univers BD. Donc, voir.ca/Raymond-Poirier. Et on le disait tout à l'heure, on met la table sur un événement mercredi prochain. Donc, les rendez-vous de la BD qui reviennent pour la dernière fois de l'année 2013 sous le titre « Dans la neige jusqu'aux yeux ». Et pour mettre la table justement en route vers cet événement, on est en compagnie de son animateur, recherchiste, maître d'œuvre, Michel Giguère. Bonjour. Monsieur Poirier, bonsoir, et j'espère que mercredi prochain, j'aurai pas la même voix de canard que j'ai là, en raison du rhume. Et en fait, faut dire peut-être que tu étais un peu dans le froid, dans la neige, un peu trop, ces dernières semaines. Les deux derniers mois furent assez hallucinants, parce que moi, je fais vraiment de l'immersion, hein, soit dans un auteur ou dans un thème. Et là, dans la neige jusqu'aux yeux, c'est pas mal mon cas. Et justement, en fait, c'est un thème, j'aurais presque envie de dire, quand je l'ai vu passer, c'est quand même étonnant d'avoir choisi de dire, OK, on va s'intéresser à la neige en BD, c'est presque improbable, je veux dire. Ben ouais, puis là, on se demande qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire de beau là-dessus pendant toute une soirée, mais j'ai envie de répondre, rien, idéalement rien, j'aimerais... Ce serait tellement génial, proposer une expérience contemplative, un peu comme ce que j'ai fait pour terminer la soirée sur Jérôme Moebius, où est-ce qu'on s'est contenté de s'asseoir en silence, en groupe, toute la salle, et admirer des planches projetées sur écran. Ce serait vraiment génial. Et puis, considérant que à la fin de la soirée, je remets toujours une bibliographie complète, eh ben, je pourrais même me dispenser de nommer les titres et puis les créateurs, et simplement donner à voir aux gens sur grand écran une succession de planches trié sur le volet avec de somptueux paysages enneigés, ce serait génial. Mais dans les faits, je vais quand même commenter parce que j'ai une grande gueule et je vais quand même laisser des blancs, sans jeu de mots là, je vais offrir des plages de contemplation silencieuse de temps en temps. Et contemplation, en fait, j'ai l'impression que si on appelle à la contemplation, bon, évidemment, c'est ce que la neige me fait en vrai. Souvent, en fait, on regarde un paysage hivernal, nécessairement, en fait, je ne sais pas, parce qu'on est, dedans, c'est zen, il y a quelque chose. Est-ce qu'on réussit justement à aller chercher ce spectaculaire-là en BD? Ben là, zen puis spectaculaire, c'est presque paradoxal. Oui, mais en fait, il y a une spectacularité dans le zen, tu comprends ce que je veux dire? Là, oui. Je vais juste te donner un exemple à travers ma préparation. Ça fait des mois que je traque les albums qui se passent dans la neige. Et souvent, je me suis jeté sur un album dont la couverture était enneigée pour réaliser après coup, en le feuilletant, que il y avait pas tant de contenu que ça. Il y avait une toute petite portion du contenu qui se passait dans la neige. J'ai fini par conclure que même si sur un album de 46 pages, il y en a, mettons, juste une ou deux, en fait, une scène qui se passe dans la neige, c'est quand même celle-là que l'éditeur ou les créateurs vont choisir pour mettre en couverture. Comme quoi, on dirait que il y a là un potentiel, il y a quelque chose de super accrocheur qui fait que on le met en couverture, parce que c'est quoi une couverture d'album ou de livre, sinon que du marketing pour attirer l'attention et faire vendre nos livres. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est si spectaculaire? Parce que là, j'ai toujours pas analysé pourquoi. Eh bien, parce que dans une BD, aussi bien que dans un film, hein, quand tu y penses, là, la neige, ça crée à coup sûr une forte atmosphère, en même temps une très forte esthétique. Ça produit, entre autres, sur le plan esthétique, un dépouillement total des décors. Tu prends les décors, tu recouvres tout ça de blanc, et à partir du moment où tu ajoutes des éléments qui se meuvent là-dedans, qui se meuvent, c'est pas super beau, mais pourtant c'est correct. Mais, tu sais, des personnages, un objet, quelque chose, on ne voit que ça. Alors, non seulement esthétiquement c'est intéressant, mais en plus ça facilite la clarté narrative. Et sur un plan vraiment scénaristique, dramatiquement parlant, là, la neige est l'ami du scénariste. Parce que qui dit neige dit trace, dit piste à suivre. La neige est aussi synonyme de jeu et de gag pour Peanuts ou Calvin et Hobbes, exemple. Mais dans des récits dramatiques, elle devient synonyme de froid. Donc de danger, de souffrance, éventuellement de mort, ne serait-ce que de difficulté à se déplacer, on le sait bien nous autres, on est 6 mois de temps dans la neige. Et pour finir, le sang est jamais aussi spectaculaire que lorsqu'il fait tache sur un tapis de neige. Hein. Effectivement, ben, il y a le contraste, en fait. Eh oui. Mais parallèlement, et c'est un peu la question que je me posais d'entrée de jeu quand j'ai introduit le sujet en début d'émission, reste que la neige, on sait blanc, d'emblée on a l'impression ben, que toutes les neiges se ressemblent quand on pense à une neige, mais d'un autre côté, j'imagine si on creuse, on se rend compte qu'au contraire, il y a différentes personnalités à ces neiges. Donc comment on réussit à diversifier la présentation, comment s'en sortent les dessinateurs pour donner vie, pour que ça soit pas justement juste du blanc au bout du compte, là, d'avoir la texture comme dans la réalité, cette neige-là, elle a une texture, elle a quelque chose. Là. Tu sais que les Inuits ont plein de mots hein, différents pour désigner tous les types de neige. Alors, on connaît pas tous les mots, mais on connaît tous les types de neige au Québec, pour peu qu'on fait un petit peu de plein air, puis qu'on vit en ville, puis qu'on va se promener en campagne. Alors, mercredi prochain, on va voir de la neige immaculée ou alors sale. On va voir de la neige joufflue ou par plaques, comme par exemple le printemps quand ça commence à fondre. On va voir de la neige lisse ou en mouton quand on la pelte. De la neige qui tombe doucement sous forme de flocons féeriques ou violemment sous forme de tempête. Il y a même des dessinateurs comme Pratt, Cosé, Andreas, qui créent de la géométrie sur fond blanc. Ceux qui ont un dessin très stylisé, très graphique, ça finit par créer des effets presque abstraits, très intéressants. Et sans oublier ce que j'appelle, moi, l'heure bleue, parce que en hiver, la brunante est pas brune, elle est bleue, et c'est tellement beau, donc ça donne lieu à des planches fabuleuses. Oui, en fait, j'ai l'impression, dans une certaine mesure, en fait, qu'on peut pas dire que la neige, c'est du blanc, c'est du vide. C'est un peu comme la nuit, c'est pas noir, mais il y a la texture, etc., et donc en dessin, mais il y a un jeu qui peut se faire, et on s'en appelle à la créativité du scénariste, comme tu disais, mais à celle du dessinateur aussi, pour lui donner une dimension, etc., etc. Donc, il y a une question de technique là-dedans, une question d'approche de dessin, de choix d'instruments, etc. Absolument. Écoute, j'ai failli présenter toutes les planches en noir et blanc ensemble. Comme constituer un segment de la soirée axé exclusivement sur l'approche en noir et blanc. Et puis, j'ai changé d'idée finalement parce que je trouvais que les planches, l'effet s'annulait à force qu'elles se succèdent trop, de façon trop concentrée. Et j'ai préféré miser, encore une fois, comme tu le disais si bien tantôt, sur l'effet de contraste et passer du noir et blanc à la couleur. Puis ça fait des espèces, dans la salle, là, tu sais, quand les lumières sont fermées puis qu'il y a juste l'écran qui nous illumine, ça fait des espèces de chocs visuels super intéressants. Et donc, oui, l'approche pour les dessinateurs est différente. Et puis, en même temps, autant au cinéma, c'est compliqué de tourner avec la neige parce qu'il faut la faire artificiellement, ou si on la fait en décor naturel, c'est des tournages très difficiles et très exigeants. Autant pour un dessinateur, mettons un dessinateur qui travaille avec un scénariste, là, son scénariste, il dit, t'as 15 pages que ça se passe dans la neige, là, il se frotte les mains, il est content, là, c'est tellement moins d'ouvrage. Fait que c'est, normalement, c'est la plupart des dessinateurs aiment bien dessiner des scènes enneigées. Et en même temps, Michel, dans ta présentation, justement, dans l'ordonnancement des planches, est-ce que y a aussi une inspiration géographique qui vient se poser? Parce que j'imagine que la neige qu'il y a ici au Canada n'est pas la même qu'en Europe, en Chine, au pôle Nord, etc. La neige, je te dirais que la neige... Ça reste blanc, là. Oui, mais puis en plus, selon les latitudes puis les saisons, ça finit par se ressembler pas mal. Mais ce qui change, c'est tout ce qu'il y a autour, mm-hmm, les habitations, ça, les costumes, la façon qu'on vit avec la neige, soit on la tasse, soit on pile dedans, ou les véhicules, tout ça. Alors, oui, ben tu sais, tantôt, je disais que j'ai failli organiser ça par thème, tu sais, faire un thème sur le noir et blanc, un thème sur toutes les pistes, toutes les planches, où quelqu'un suit une piste dans la neige. Ça aurait pu être super intéressant. Mais à un moment donné, là, quand ça fait 8 planches que tu vois là, que c'est des pistes, puis des pistes, puis des pistes, là, j'avais peur que ça devienne un peu ennuyant. Ouais. Et là, ça s'est imposé, la géographie, là. Ça s'est imposé, j'ai comme pas eu le choix. C'était trop évident. Et puis, ça, c'était plus simple aussi. Alors, on va voyager tout le long de la soirée, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'extrême sud et les Andes, évidemment, il y a de la neige, les pôles, l'Europe du Nord et l'Europe des montagnes, toutes les Alpes, les Pyrénées. J'ai des planches dans les Pyrénées. T'imagines-tu déjà, là, tu sais, déjà, c'est super varié, c'est super, c'est un méchant beau menu. Et j'ai même pas parlé de l'Asie, à savoir la Russie, la Sibérie, le Japon, les steppes de Mongolie puis de Chine, l'Himalaya, tu sais, c'est, il y a du stock, là. Alors, j'ai fait une entorse. En fait, non. J'ai fait deux entorses à la géographie pour la dernière partie de la soirée. La première entorse, c'est que je vais avoir un chapitre sur les récits d'anticipation. Et plusieurs histoires, si tu veux, plusieurs histoires sont autour d'une espèce d'ère, de nouvelle ère glaciaire, là, tu sais. Fait que il va y avoir un chapitre là-dessus. Et enfin, je me fais plaisir. C'est un petit peu subjectif et personnel, mais enfin, à la fin, là, je consacre une partie entière à deux bédéistes qui me sont parmi les plus chers. Et c'est vraiment affectif comme rapport là, depuis ma tendre enfance et dans un cas, depuis ma tendre adolescence. Puis ben là, je pense que je dirai pas en nom de ça va être qui, je garde la surprise pour mercredi. Mais faut se garder des petits suspenses. Et comment? et Michel, tout ça, je rappelle aux auditeurs, auditrices, en fait, c'est mercredi prochain, donc 11 décembre, c'est à 19h, c'est gratuit, on se présente simplement et on profite justement. On plonge peut-être dans cette ambiance-là, dans cet hiver-là, et peut-être qu'ici, après ça, on ressortir avec un autre regard sur notre hiver, à nous. Pourquoi pas? Et peut-être que ça va nous réconcilier avec l'hiver. Peut-être aussi. Oui. Ben, c'est un rendez-vous. Michel Giguère, nous on se dit à l'an prochain. Hein, déjà? Hey, merci Raymond, en tout cas, de cette belle année en ta compagnie sur ton émission. Ça me fait très plaisir et on se dit donc à bientôt et à mercredi, évidemment. Oui. Alors voilà, c'était Michel Giguère autour des rendez-vous de la BD. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, notamment, Pascal Blanchet qui sera avec nous. On parlera un peu de Noël. Alors ben voilà, c'était Raymond Poirier au micro. Et je vous souhaite une très bonne soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.